Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, sortir de la colonisation à propos du référendum d'autodétermination qui se prépare en Nouvelle-Calédonie. Dimanche, en Nouvelle-Calédonie, les électeurs se prononcent sur leur éventuelle future indépendance. C'est le deuxième référendum sur trois prévu par les accords de Nouméa signés en 1998 avec l'objectif, et c'est là le caractère inédit de ce processus, de réussir peut-être pour une fois la décolonisation d'un territoire français. Cet accord historique de décolonisation avait été trouvé 10 ans après les violences des années 80 et son épisode le plus marquant, la prise en otage d'une vingtaine de gendarmes dans une grotte à Ouvéa par les indépendantistes du FLNKS et l'intervention militaire sanglante pour les sauver en 1988. La question soumise à référendum le 4 octobre est directe, longuement réfléchie par le gouvernement d'Édouard Philippe pour le premier vote, c'était en 2018. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Une formulation longuement réfléchie par le Premier ministre Édouard Philippe, qui tente de concilier les positions à la fois des indépendantistes du Front de Libération Nationale Kanak et socialiste et de la droite loyaliste. En 2018, les opposants à l'indépendance l'avaient emporté par plus de 56% des voix. Une victoire incontestable, mais loin d'être écrasante, qui décrivait une société néo-calédonienne profondément divisée sur son avenir. Comment se rêve la Nouvelle-Calédonie? C'est bien là à cette question que tente de répondre l'historienne Isabelle Merle dans un article publié dans la revue numérique AOC qui analyse la campagne du référendum de 2020 et notamment celle des partisans du non et leur rapport à l'histoire. Les indépendantistes, largement kanaks, ont un programme commun, contrairement au camp du non, divisé entre Calédonie ensemble, pour rester au sein de la République, mais en trouvant un espace commun avec les indépendantistes, et le camp loyaliste, regroupement de tout le spectre de la droite conservatrice, qui n'imagine aucun destin calédonien en dehors de la sphère d'influence française. C'est à ce non radical des loyalistes que s'est intéressée Isabelle Merle, à leur usage de l'histoire, ou plutôt à leur refus de la prendre en considération. Leur campagne se fait aujourd'hui en faveur d'une Nouvelle-Calédonie fière de son identité et fière d'être française. C'est bien là que le bât blesse, l'identité. En épluchant le matériel de campagne mobilisé, ses visuels, ses slogans, Isabelle Merle déchire la carte postale pour débusquer un déni de l'histoire, voire du réel. Sur les affiches et plaquettes de campagne, les Kanaks sont représentés isolés, tournant le dos au regard, relégués à la marge d'une Nouvelle-Calédonie en marche vers l'avenir. L'identité néo-calédonienne des loyalistes se construit de manière incertaine, autour de valeurs océaniennes floues, mais surtout sans les Kanaks, absents ou à la marge de leur programme et du discours électoral, si ce n'est en filigrane en tant que menace dans les revendications sécuritaires ou les revendications de garantie du droit de propriété. Une campagne loyaliste qui dit le refus de prendre en compte 30 années de discussion pour construire ce destin commun mentionné dans les accords de Nouméa et une société partagée, consciente des préjudices infligés aux populations premières par le système colonial, impossible pourtant à ignorer depuis l'épisode de violence de la fin des années 80. Michel Rocard était alors Premier ministre. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes mais par le dialogue, par la tolérance, par le travail, par la volonté. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. Ils ont su converser, négocier, se trouver, reconnaître l'autre. Je veux, compatriotes de Nouvelle-Calédonie, vous aider à réussir votre destin par la réconciliation, par la solidarité. Et par la construction de l'avenir. Comment réussir une décolonisation, c'est la question qui se posera à la Nouvelle-Calédonie et à la France, quel que soit le résultat du référendum à venir, à l'intérieur ou en dehors de la République française. Avec le risque, comme on peut le lire dans l'ouvrage collectif dirigé par Joseph Confavreux, une décolonisation au présent, de rater ce moment et l'occasion d'une émancipation de la relation coloniale, avec la certitude que la décolonisation des pratiques et des esprits est toujours en cours. Comment réussir une décolonisation? Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'Histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr.